إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 16 dans l'explication de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin, un des imams parmi les tabi'in. Et c'est écrit par le cheikh Ahmed Bazmoul. J'ai mis le livre en fait en PDF sur le site Salafi de Montréal. Je l'ai mis dans le document, dans le dossier de ce cours. Vérifier de qui prendre la religion. Donc vous allez pouvoir suivre avec si vous voulez, inshallah. Donc on est arrivé à une shubha maintenant que le cheikh mentionne. Cette shubha c'est « Anna al-du'at wal-ulama wal-mutasaddirina fi s-saha kulluhum salafiyoun ». Il y a des gens qui prétendent que ceux qui font la da'wa et les ulama qui sont en avant de la scène, dans la da'wa, dans le monde musulman, sont tous des salafis. Et le cheikh il explique cette shubha. Il dit « Ma'na hadhi shubha » أن كل من دعا إلى الله وتصدر للدعوة فهو على منهج سليم وكلهم متابع لمنهج السلف الصالح ونستفيد من الجميع ولا يجوز التفريق بينهم أو القول بعدم صلاحيتهم للدعوة إلى الله. Donc cette shubha, le cheikh il explique en disant que ça signifie que la personne qui dit cette parole, hein, que tout le monde est salafi, tout le monde qui fait la da'wah, tous les ulama sont tous salafis. Et les gens qui font qui disent cette parole, ils prétendent que toute personne qui appelle à Allah et qui se met de l'avant pour faire la da'wah, ça veut dire qu'il est sur un bon manhaj et que tout le monde, que tous ces gens-là suivent le manhaj des salaf al-salih. Et donc on peut profiter de tous sans faire de distinction. Même qu'ils disent que c'est interdit de faire la distinction entre eux, c'est interdit de dire également qu'ils ne sont pas aptes à faire la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sheikh il répond à cette shubha par différents points, et on va lire ces points là ensemble inshallah. وهذه شبهة باطلة من وجوه. الأول هذا قول هذا قول من لا يعرف الواقع بل من لا يعرف التاريخ الإسلامي ولم يخبره ومن لا يعرف النصوص الشرعية الواردة في الموضوع ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاف والتفرق عما جاء به من الحق ألم يوجد الخوارج والقدرية والشيعة في عهد السلف في هذه الجزيرة العربية. Donc le cheikh il dit premièrement que cette parole c'est la parole de celui qui ne connaît pas la réalité des choses, hein? Même c'est la parole de celui qui ne connaît pas l'histoire islamique, hein? Qui n'a pas d'informations au sujet de l'histoire de l'islam, et c'est la parole également de ceux qui ne connaissent pas les textes de la charia qui sont mentionnés à ce sujet. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné qu'il y allait avoir de la divergence et de la division, hein, après que les gens ont reçu la vérité? Après lui, il a averti qu'il y allait avoir de la division. Donc, est-ce que ces gens-là n'ont pas su ça? N'est-ce pas qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu les Khawarij, les Qadariya et les Shia, hein, à l'époque même des Salafs, dans la péninsule arabe? Cheikh, il cite ensuite les paroles de l'imam al-Baghawi. Il dit أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. Donc il dit que l'imam al-Baghawi a dit que le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم avait annoncé la division de sa umma et l'apparition des innovations et des passions parmi eux, parmi la umma. Il a décrété ou il a jugé que le salut allait être uniquement à ceux qui suivent sa sunna et qui suivent la sunna de ses compagnons. Et ça, c'est rapporté dans Sharh al-Sunna de l'imam al-Baghawi. Après, il dit فإذا لم تسلم هذه العصور أو تلك العصور الإيمانية الصادقة من أولئك المبتدعة فضلا عن العصور التي تليها فهل يسلم عصرنا من أهل البدع والضلال. Donc, si ces premiers siècles de foi sincères n'ont pas été épargnés de ces gens de bid'a, à cette époque-là qui était parmi la meilleure époque, hein, l'époque des salafs, ils ont connu les gens de bid'a et ils ont connu les égarements de ces gens-là. Donc si eux, ils n'en ont pas été épargnés alors que c'était la meilleure des générations, alors est-ce que nous, on va en être épargnés à notre époque aujourd'hui? On va être épargnés des gens de bid'a et d'égarements? Donc ça, c'est pas réaliste. C'est pas réaliste, les gens qui pensent que tout le monde aujourd'hui sont corrects. Tout le monde qui parle de l'islam, tout le monde est bon, tout le monde est salafi. C'est pas la réalité. الثاني أن السلفيين المتمسكين بالسنة العاملين بها قليلون جدا وهم في غربة مع أهل الأرض عموما ومع أهل الأهواء والبدع خصوصا. فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. Donc le cheikh, il dit ensuite que les salafis qui s'accrochent réellement à la sunna et qui appliquent cette sunna sont très très peu nombreux et ils sont étrangers parmi les gens de la terre en général et avec les gens de passion et de bida en particulier, parce qu'ils sont toujours une minorité. Et il dit, c'est rapporté selon Abi Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, que l'islam a débuté de manière étrange et il va redevenir étrange comme il a débuté de manière étrange. Alors annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. قال يونس بن عبيد أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا وأرغب منه من يعرفها أصبح من عرف السنة عرفها غريبا وأرغب منه من يعرفها. Donc il cite les paroles de l'imam Yunus ibn Ubayd, un des imams parmi les salafs, et c'est rapporté par l'imam Al-Ajurri dans Al-Sharia. Il dit, les gens qui connaissent la sunna aujourd'hui sont devenus étranges et plus étranges, plus étrange encore celui qui l'a connu. Donc celui celui qui connaît la sunna aujourd'hui, il la connaît de façon étrange, et plus étrange encore que ça celui qui l'a connu. وقال أبو بكر ابن عياش السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. الإمام أبو بكر ابن عياش il dit la sunna par rapport à l'islam elle est plus elle est plus rare que l'islam par rapport à toutes les autres religions. Hein? Donc ça c'est pour comparer la sunna à l'intérieur de l'islam, c'est-à-dire parmi les musulmans, parmi les gens qui se disent musulmans et qui disent suivre l'islam, il y a les gens qui sont sur la sunna, et ceux-là sont plus rares que l'islam par rapport à toutes les autres religions. Hein? Donc ça, ça nous montre la rareté des gens de la sunna. أخرجه ابن عدي في الكامل والخطيب في الجامع. Donc c'est rapporté par Ibn Adi dans Al-Kamil et par Al-Khatib dans Al-Jami' li-Akhlaq al-Rawi. وقال يوسف ابن أسباط أهل السنة أقل من الكبريت الأحمر. C'est rapporté par l'imam Al-Harawi dans Zam al-Kalam Ahli. Il dit que les gens de la sunna sont encore moins nombreux, sont moins nombreux que le soufre rouge, en voulant dire que les gens de la sunna sont très rares. وقال ابن القيم الجوزية الغرباء الممدوحون المغبوطون ولقلتهم في الناس جدا سم غرباء فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات فأهل الإسلام في الناس غرباء والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم المؤمنون غرباء وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin. Il dit que les ghuraba qui sont dans les ghuraba, les étrangers dont on fait l'éloge, hein, et dont on doit essayer de rechercher leurs caractéristiques, hein, à cause de leur petit nombre parmi les gens, on les a appelés des étrangers. Parce que la plupart des gens sont sur d'autres caractéristiques que leurs caractéristiques. Donc les gens de l'islam, parmi les gens, les musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont sur l'islam, parmi les hommes sur la terre, sont des étrangers parmi eux. Et parmi eux, hein, parmi les musulmans, les croyants sont des étrangers. Les mu'minoun sont des étrangers parmi les gens qui se disent musulmans. Et les hommes de science parmi les croyants sont des étrangers. Et les gens de la sunna qui distinguent entre les passions et les innovations parmi les savants sont des étrangers. Et ceux qui invitent à la sunna et qui sont patients et qui endurent les offenses et les difficultés de la part des opposants parmi les gens de la sunna, hein, parmi les ulama, sont encore plus dans ils ressentent encore plus le fait d'être des étrangers que tous les autres, et c'est eux qui sont le plus étrangers parmi tous les autres qu'on a mentionnés. Donc c'est des groupes, hein, et on voit que d'un groupe à l'autre il y a une certaine relativité, du fait que chacun est étranger parmi d'autres, comme les musulmans parmi les kuffars. Ensuite, parmi les musulmans, il y a les mu'minoun, les croyants qui sont des ghuraba parmi les musulmans. Ensuite, il y a les savants parmi les croyants, il y a les savants qui sont des ghuraba. Et parmi les savants, ceux qui distinguent entre les bid'ah et les passions sont des savants, sont des étrangers parmi les savants, et parmi ceux qui sont sur la sunna et qui distinguent entre la bid'a et la sunna, parmi les savants il y en a qui appellent à la sunna et qui opposent les gens de bid'a et qui sont endurants sur cette voie là et eux sont encore plus étrangers, hein? Ensuite, le point numéro 3, الثالث, لو كان الدعاة على الحق والسنة فلما هذا الاختلاف ولماذا هذا التفرق والتناحر فهل الحق والاجتماع ينتج عنه هذا التفرق والتناحر. Donc le cheikh il répond à cette choubha par un troisième exemple, et il dit si les gens qui font la da'wa aujourd'hui sont tous sur la vérité, sur la sunna, alors pourquoi il y a tant de divergences dans ce cas-là, et pourquoi il y a cette division et cette opposition entre les gens. Est-ce que la vérité et l'unité amènent comme résultat toute cette division et toute cette divergence? Hein? Donc c'est clair que si on voit parmi les gens des divergences, c'est clair que c'est un signe qu'il y a un problème quelque part. Et c'est ça qui se passe maintenant des fois parmi les gens qui se disent salafis. On retrouve ça des fois que il y a certaines questions ou certains sujets qui commencent à créer des divisions ou des divergences parmi les gens qui sont sur la voie des salafs ou des gens qui se disent salafis, qui prétendent être sur la voie des salafs. Et des fois ils ne sont pas nécessairement vraiment des salafis, ou bien ils ne sont pas nécessairement sur la voie des salafs pour vrai. En tout cas, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que parfois il y a des choses qui se passent, puis ça crée des divisions entre les gens. Et la raison pourquoi ces choses-là arrivent et ces divisions-là se produisent, c'est le signe que il y a des gens qui s'accrochent à autre chose que à la vérité. C'est pour ça que ça crée de la division. Le cheikh, il dit ensuite, donc قال مطرف ابن الشخير لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدا لقال القائل الحق فيه فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق. Ça c'est la parole de l'imam Al-Lalakai في شرح اعتقاد أهل السنة. Il mentionne cette parole d'un des imams des salafs, Matraf ibn al-Shakhir. Il dit, si toutes ces passions, toutes les innovations, toutes les sectes, elles n'étaient qu'une seule secte, quelqu'un aurait pu dire la vérité est dedans, la vérité est dans celle-ci, dans cette passion, dans cette bid'ah. Si elles étaient toutes réunies, les gens pourraient dire ah, la vérité est là. Mais étant donné qu'elles se sont toutes divisées et qu'elles se sont toutes séparées, les gens ont pu comprendre et ont su, hein, toute personne qui a un minimum de raison, il sait que la vérité n'amène pas la division. Donc la vérité n'amène pas la division. Qu'est-ce qui amène la division? C'est le mensonge et la fausseté. Hein? Et c'est la bid'ah. C'est l'égarement, c'est ça qui amène la division. Mais la vérité, elle amène pas la division, elle amène l'union, et elle amène le fait de s'unir sur la vérité. وإذا كان دعاة هؤلاء على الحق فلماذا يحذرونهم وأتباعهم من أهل السنة فلماذا يحذرونهم وأتباعهم من أهل السنة ولماذا الطعن في المنهج السلفي في كثير من المناسبات ولماذا يصفونهم بأوصاف تنفيرية بقصد تشويه صورتهم عند طلاب العلم والعامة. Donc le cheikh il dit, si ces gens-là sont sur la vérité, si ces du'at sont sur la vérité, alors pourquoi ils mettent en garde eux ainsi que leurs fidèles contre Ahl Sunnah, contre les gens de la Sunnah? Et pourquoi ils critiquent le manhaj salafi dans plusieurs occasions? Et pourquoi ils les décrivent par différentes descriptions pour faire fuir, hein, ou dans le but de salir l'image de certains d'entre les salafis, auprès des étudiants de sciences et auprès des musulmans en général? Donc si c'est des gens qui étaient réellement sur la vérité, alors pourquoi ils font tout leur effort pour essayer de décrire les gens qui appellent au manhaj des salafs par des termes pour faire fuir les gens et pour salir leur image, ainsi de suite? خذ على سبيل المثال علماء حيض ونفاس عملاء علماء مناصب مداهنون مباحث إلى غير ذلك من الأوصاف التي تنفر عامة الناس عن قبول الحق. Il dit, regarde comme exemple, qu'est-ce que ces gens-là disent à propos des ulama, à propos des gens qui appellent à la voie des salafs, au manhaj salafi. Il dit, ce sont des savants des menstruations et des écoulements post, post-nato, c'est-à-dire les seins qui coulent après l'accouchement de la femme, les écoulements qui coulent de la femme après son accouchement. Comment ils appellent les savants? Ils appellent les savants de ces choses-là. Ils les appellent aussi des agents du gouvernement. Ils les appellent également des savants qui cherchent des postes. Ulama manar, c'est des savants qui ont été placés dans un poste pour faire un travail. En voulant dire, c'est pas des savants qui défendent la vérité et qui sont sincères. Mudahinun, c'est-à-dire ce sont des gens qui font des compromis, qui essaient de faire plaisir. Mabahis, c'est des agents du gouvernement, des choses comme ça. Ils sont toujours en train d'accuser des gens d'être des agents, de travailler pour les services secrets ou bien des choses comme ça. Allah al-Musta'an. Et donc, il y a beaucoup d'autres également, d'autres caractéristiques et d'autres descriptions qu'il donne aux ulama pour essayer de faire fuir les gens en général d'accepter la vérité. Donc, tout ça, ils utilisent ces appellations-là pour faire fuir les gens des ulama qui appellent à la voie des salafs. Donc, s'ils étaient sur la vérité, pourquoi ils font ça dans ce cas-là? S'ils sont tous sur la même voie, pourquoi ils disent ces choses-là alors? C'est la preuve que c'est pas que tout le monde ne sont pas salafis. Et souvent, c'est qui est-ce qui dit ça? C'est les gens qui sont sur des voies d'égarement. Soit des takfiris, soit des djihadis, soit des gens qui ont d'autres erreurs, d'autres égarements parmi les ikhwan ou d'autres jama'at. Ils disent quoi? Ils disent, mais non, tout le monde est salafi, il ne faut pas critiquer personne. Il faut accepter tout le monde. Et même, il y en a des fois, ils font la distinction entre un prêcheur et un autre. Ils disent, moi j'aime beaucoup celui-là, mais j'aime pas celui-là qui fait la da'wah ou qui prêche. Tu lui dis, mais pourquoi? Mais parce que lui, il critique personne. Donc moi, j'aime bien celui-là, il critique personne. Quand tu écoutes ses cours, il parle pas contre quelqu'un, il dit pas des choses contre quelqu'un, il attaque personne. Donc quand on l'écoute, on profite, on apprend. Mais l'autre, lui, quand on l'écoute, il critique tout le monde, il parle toujours des gens, il parle toujours d'autres prêcheurs, ou bien il met en garde contre des groupes. Et ça amène des problèmes, ça amène la division, c'est pas bon. Et ça, c'est une mauvaise compréhension de la part de ces gens-là. Parce que le fait de mettre en garde et d'avertir contre les gens qui ont des erreurs ou qui ont des égarements, ça, c'est quelque chose qui amène en fait à la protection de la Ummah, à la protection de la communauté, et qui éloigne de la communauté également les gens qui invitent à l'égarement et à la bid'ah. Et qui ça facilite pour les gens par la suite de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et ça les éloigne des gens qui, parmi ces prêcheurs-là, ont des shubuhat, ou ont des erreurs, ou ont des égarements. Ils essaient d'inviter les gens à ces égarements de manière sournoise. Ils veulent pas que les gens sachent qu'est-ce qu'ils ont comme égarement dans leur cœur ou dans leurs paroles ou dans leurs enseignements. Alors, ils préfèrent que les gens ne critiquent personne et qu'on explique à personne les réalités. Et ça, on va en parler après, de toute façon, Inch'Allah, le prochain point, c'est un point qui parle de ça. Inch'Allah. C'est-à-dire, la prochaine shubha, c'est à ce sujet. Ensuite, le cheikh dit, Ar-rabi' anna al-ulama al-kibar al-mawthuq bi'ilmihim wa dinihim wa taqwahum takallamu fi ba'd al-du'at wa hazzaru minhum wa minhum وحذروا منهم ومن منهجهم الباطل وأمثال الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والنجمي رحمهم الله والشيخ عبد العزيز آل الشيخ والفوزان وربيع المدخلي وزيد المدخلي وغيرهم حفظهم الله فهل هؤلاء تكلموا في شيء لا وجود له في أرض الواقع؟ أم أنهم تكلموا من باب الحسد والغيبة والحقد حاشا من ذلك. Donc, le cheikh il rapporte, il dit comme point numéro 4 pour répondre à cette choubha, il dit les ulama, les grands ulama aujourd'hui en qui on a confiance, on a confiance en leur science, en leur religion, en leur piété, eux ont parlé de certaines, de certains individus, hein, de certains du'at, des gens qui font la da'wah, ils ont averti contre certains d'entre eux, et ils ont averti contre leur manhaj qui est faux. Et il cite en bas de page ici, il dit قال الشيخ أحمد ابن يحيى النجمي في تأسيس الأحكام بشرح أحاديث الأحكام. Il dit في المجتمعات الإسلامية اليوم أناس يدعى لهم أنهم أهل علم وليس كذلك. Il dit parmi le Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit dans les sociétés islamiques aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle comme étant des gens de science, et en réalité ils ne sont pas des hommes de science. Donc il y a le cheikh dit il y a des ulama donc qui ont mis en garde contre des personnes qui ont des erreurs dans leur manhaj ou qui ont un faux manhaj. Et parmi les ulama qui ont mis en garde contre ces prêcheurs là il y a le cheikh Ibn Baz, le cheikh Ibn Uthaymin, le cheikh Al-Albani, le cheikh Ahmed Al-Najmi rahimahumullah. Il y a le cheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, le mufti. Il y a le cheikh Salih Al-Fawzan. Il y a le cheikh Rabi' Al-Madkhali. Il y a le cheikh Zayd Al-Madkhali. Et beaucoup d'autres parmi les ulama également. Est-ce que ces savants-là ont parlé de quelque chose qui n'existe pas dans la réalité sur Terre? Hein? Ou bien ils ont parlé dans le sens de par rapport à c'est-à-dire qu'est-ce qui les a poussés à parler? C'est la jalousie ou le fait de vouloir parler dans le dos ou la rancune qu'ils avaient dans le cœur? Non, jamais, hein, quelque chose. C'est pas dans ce sens-là qu'ils parlent. Lorsqu'ils parlent, c'est pour mettre en garde et pour avertir, hein, la umma et pour les protéger contre l'égarement, hein. Regardez par exemple, si vous voyez par exemple dans une ville ou dans un pays ou dans une société qu'il y a beaucoup de gens qui appellent à l'égarement ou qui ont des innovations ou des égarements, et il y a des gens qui sont au courant de ça et ils disent rien et ils font juste parler de d'autres sujets et ils mettent en garde contre personne. Est-ce que vous pensez que ça fait partie de la nasiha? Est-ce que la personne qui est comme ça, qui se tait devant l'égarement et devant la fausseté, qui dit rien aux gens, qui n'avertit personne de rien, de qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous pensez que cette personne-là, c'est un musulman qui aime ses frères, qui a une bonne pensée pour ses frères, qui veut les mettre en garde contre le danger, qui veut les mettre en garde contre l'égarement, hein, qui a une bonne intention envers eux, hein, qui veut les protéger de tomber dans le mal? Si quelqu'un est sincère et si quelqu'un veut vraiment donner la nasiha pour ses frères, est-ce qu'il va se taire devant les faussetés et les égarements qui sont propagés autour de lui? Il les voit avec ses yeux, il les entend avec ses oreilles, et puis il dit rien, il ferme sa bouche et puis il se tait, il dit non, moi je veux pas parler, moi je veux pas rentrer dans la fitna. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Des fois, de cette manière-là, tu penses que tu t'éloignes de la fitna, alors que c'est à ce moment-là que tu tombes dans la fitna. Hein? Puisque tu vois la fitna autour de toi, puis tu fais rien pour l'arrêter. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, ça aussi, ce point-là, ça répond aux gens qui prétendent que les grands ulama, ils ne mettent pas en garde contre les égarements des prêcheurs qui se sont égarés de la bonne voie. On voit que même les grands ulama, les plus grands parmi les ulama de la salafiyya, ils sont les premiers, hein, lorsqu'il faut mettre en garde, ils mettent en garde contre des prêcheurs, contre des individus. Et s'ils ne le font pas eux-mêmes directement, des fois ils chargent certains élèves de le faire à leur place. Et des fois, qu'est-ce qu'ils font également? Ils vont, par exemple, lorsque quelqu'un a écrit une réfutation contre quelqu'un qui a des erreurs ou des égarements, ils vont approuver de cette réfutation-là. Et ils vont même des fois écrire une introduction à cette réfutation. Donc même si eux-mêmes ils n'ont pas réfuté en détail cet individu-là ou cette erreur, mais ils ont approuvé d'une réfutation qui a été faite par un élève dans la science islamique ou par un étudiant, un talib ilm, ils l'ont approuvé, ils ont mis leur signature dessus, ils ont écrit une introduction pour supporter cette réfutation et pour montrer qu'ils l'approuvent et qu'ils sont d'accord. Donc ça, c'est des exemples qui montrent que les ulama, ils mettent toujours en garde lorsque c'est nécessaire contre des gens qui ont un mauvais manhaj et qui sont sur une voie d'égarement. Le cheikh il dit Al-Khamis, anna man ankara dhalika, urrif. Fa in istamarra, ulhiqa bihim wa la karama. Le cheikh il dit que celui qui nie cette réalité-là, c'est-à-dire celui qui nie qu'il y a parmi les du'at et parmi les gens qui sont considérés des ulama, parfois il y en a parmi eux qui ne sont pas salafis. Donc si quelqu'un nie cette réalité, il faut lui faire connaître, il faut l'informer de cette réalité-là et lui donner les explications et les preuves pour qu'il sache qu'il y en a des gens qui ne sont pas sur la voie des salafis, qui ne sont pas sur le bon manhaj. Puis si la personne, après qu'on lui ait clarifié, elle persiste à nier, alors dans ce cas-là, elle va être associée avec ces gens-là, ces gens de bid'ah, et sans pitié non plus. Hein? Le cheikh il mentionne à ce sujet-là les paroles du cheikh Al-Fawzan. Il dit qu'il cheikh Salih Al-Fawzan, الذي يمدح المبتدعه ويشبه على الناس بما عندهم من الحق يشبه على الناس بما عندهم من الحق هذا احد امرين اما جاهل بمنهج السلف وموقفهم من المبتدعه وهذا الجاهل لا يجوز له ان يتكلم ولا يجوز للمسلمين ان يستمعوا له واما مغرض لانه يعرف خطر البدعه ويعرف خطر المبتدعه ولكنه مغرض يريد ان يروج للبدعه فعلى كل هذا امر خطير وامر لا يجوز التساهل في البدعه واهلها مهما كانت. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique, il dit celui qui glorifie les gens de bid'ah, il fait croire aux gens, il essaie de faire croire aux gens qu'ils sont corrects, qu'ils sont bien. Et il dit aux gens, il mentionne aux gens qu'est-ce qu'ils ont comme vérité avec eux. Il dit aux gens, un tel il est bien, il est correct et tout. Hein. Il mentionne le bien que la personne possède. Alors que ce sont des gens de bid'ah. Donc, le cheikh, il dit, cette personne qui agit comme ça, soit qu'elle est une des deux choses suivantes. Soit que c'est un ignorant qui ne connaît pas le manhaj des salafs et qui ne connaît pas la position des salafs vis-à-vis des gens de bid'ah. Donc ça veut dire que c'est un ignorant et qu'il n'est pas permis il n'est pas permis pour lui de parler et il n'est pas permis aux musulmans de l'écouter non plus. Ou soit que c'est une personne qui sait la vérité, mais qui fait exprès pour glorifier les gens de bid'ah parce qu'il a un intérêt. Il a un intérêt. Parce qu'il connaît le danger de la bid'ah et il connaît le danger des gens de bid'ah, mais il a une intention derrière la tête. En fait, c'est de propager la bid'ah. Et il fait semblant que ce n'est pas le cas. Donc, dans les deux cas, que ce soit dans le cas d'une personne qui est ignorante et qui parle sans science, ou que ce soit une personne qui n'est pas ignorante mais qui a une mauvaise intention, qui veut égarer les gens, dans les deux cas, c'est quelque chose de dangereux. Et il n'est pas permis de prendre ces choses-là à la légère dans les questions de bid'ah et les questions qui ont rapport avec les gens de bid'ah. Le cheikh il dit, peu importe de quelle bid'ah il s'agit. Et ça c'est dans son livre Zahiratul Tabdi' wa Tafsiq. Ça c'est très important de comprendre ces choses-là parce que en réalité, surtout à notre époque, il y a trop de de fitan, il y a trop de divergences, il y a trop de divisions inutiles. Et donc il faut mettre en garde pour éviter que la division augmente et se multiplie. Shubha, أن البحث عن حال المتصدرين لإفادة الناس هو من الطعن فيهم ومن تتبع عورات المسلمين ومن تتبع عورات المسلمين وأن باب الجرح والتعديل قد أغلق. Ça c'est une autre shubha, et c'est une shubha qui est répandue aussi. On l'entend partout, et on va prendre quelques minutes, inshallah, pour la réfuter, inshallah. C'est la shubha de ceux qui disent que d'essayer de chercher l'état des gens qui se placent de l'avant pour essayer de faire profiter aux gens. Que ça c'est une sorte de critique ou d'attaque contre eux. Quand tu essaies de chercher leur réalité ou leur état et leur situation, que ça c'est une sorte de critique ou d'attaque contre eux. Et que ça fait partie de chercher les secrets des gens, les secrets des musulmans, les awrat. L'awrat c'est quoi? C'est l'awrat, on dit c'est les parties intimes ou les parties que on doit cacher. Et tatabu' al-awrat, c'est comme quelqu'un qui est curieux ou qui essaie de regarder ou de chercher les choses qui sont intimes chez les gens. Donc ils appellent les gens qui mettent en garde contre les bid'a ou contre les égarements ou contre les problèmes de certains prêcheurs, ils appellent ces gens, ils disent que ces gens-là yatatabu'un al-awrat, ils cherchent les erreurs, ils cherchent les fautes, hein. Il y en a comme ça des fois, comme par exemple, je me souviens quand j'avais écrit des textes sur Tariq Ramadan, il y a un de ces gens-là, un de ces hizbiyin, il m'a dit, « Ah, toi tu cherches les fautes et les erreurs. Tu tabi' al-awrat. » Al-awrat, en principe, c'est quelque chose qui est caché. C'est pas quelque chose qui est apparent. Donc, si quelqu'un fait des erreurs publiques, il mentionne ça, il appelle à ses idées qui sont contraires au Coran et à la Sunna, et que toi, tu les désignes, tu les mentionnes, tu spécifies que ces paroles-là sont des erreurs, et que tu les réunis pour mettre en garde les musulmans contre ces erreurs-là, ça fait pas partie de qu'est-ce qu'ils prétendent, eux, de tatabu' al-awrat. Les erreurs, elles sont là. Et vous, et la plupart du temps, ils le savent que ces erreurs-là sont présentes. Mais ils font semblant que les erreurs ne sont pas là. Pourquoi? Pour continuer à rassembler les gens, pour continuer à ramener les gens autour d'eux et les égarer et les gagner à leurs idées. Mais quand on commence à mettre en garde contre leurs erreurs et à mentionner leurs fautes, là, étant donné que ça vient en contradiction avec leur plan, en contradiction avec leur programme et leur projet, alors là, ils essaient d'utiliser ce genre d'arguments pour essayer de te bloquer ou de stopper et d'éloigner les gens de toi. Donc ils disent par exemple que tu cherches les fautes et les erreurs des musulmans. Et ils disent par exemple que la porte de Al-Jarh al-Ta'dil, elle est fermée. Al-Jarh al-Ta'dil, de faire la critique ou de faire l'éloge selon l'état des personnes par rapport à l'islam et à la da'wah et la aqida et le manhaj, ils disent ça c'est fermé maintenant, c'est fini, parce que la narration du hadith, il n'y en a plus aujourd'hui. Ils disent ça, il n'y a plus de hadith, il n'y a plus des narrateurs de hadith qui rapportent un hadith avec l'isnad et tout. Ils disent maintenant c'est fini, puisque on a les livres de hadith Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Ibn Majah, Tirmidhi, Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi et les autres. On les a, les livres, déjà, avec l'isnad et tout. On n'a plus besoin de Jarh al-Ta'dil. Donc le sheikh, il répond à ces shubuhat. Le sheikh dit, « Ma'na hadhi shubha, anna al-kalama fi du'at al-mutasaddirin li-da'wat al-nas la yajouz, li-annahu yadkhulu fi al-ghiba, wa fi tatabu'i awrat al-muslimin, fa huwa muharramun, wa min kabair al-dhunub, wa innama kana ja'izan fi bab jarh al-ruwat, فهو خاص بنقلة الحديث. Donc la shubha c'est quoi? C'est que de parler contre les du'at, les gens qui font la da'wah et qui sont en avant dans la da'wah pour appeler les gens, ils disent que ça c'est pas permis. C'est pas permis de les critiquer et de mentionner leurs fautes ou leurs erreurs. Il dit parce que ça, ça rentre dans al-riba, ça rentre dans le fait de faire de la médisance et de parler dans le dos et de chercher les fautes des musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui est haram et qui fait partie des grands péchés. Et ils disent que c'était uniquement permis dans le chapitre de la critique des narrateurs de hadith. Et ça, c'est particulier aux gens qui rapportent le hadith seulement. Donc ça, c'est la shubha, et c'est ça ce qu'ils disent, et on va lire les réponses à ce sujet. Cette shubha, elle est fausse, et elle est fausse de plusieurs points de vue. Al-awwal, ليس الكلام في رواة الحديث وفي المتصدرين لإفادة الناس من باب الغيبة المحرمة بل هو واجب شرعي وداخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل والجهاد في سبيل الله وهو من أعظم أبواب العلم لما فيه من حفظ السنة والدين من البدع والضلالات والأفكار المنحرفة وقد كان السلف من أحرص الناس على الرد على كل منحرف ومخالف وكشف كل زائغ وضال مهما كانت منزلته عند الناس تقربا إلى الله. Donc le cheikh il répond, il dit que cette parole, le fait de parler des narrateurs de hadith et de les critiquer ou de parler de ceux qui se placent de l'avant pour faire profiter les gens, ça ne fait pas partie de ce qui est interdit, de la médisance. Au contraire, c'est même quelque chose qui est obligatoire selon la charia, et ça rentre dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et ça rentre même dans le jihad fi sabilillah, le fait de faire le jihad dans le chemin d'Allah. Et il mentionne en note de bas de page ici, قال الشافعي ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم قيل له ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي. Donc l'imam al-Shafi'i, comme ça a été rapporté par al-Bayhaqi dans Manaqib al-Shafi'i, il dit qu'il n'y a rien après avoir appliqué les obligations de meilleur que la quête de la science de l'islam. Donc on lui a demandé même pas le jihad fi sabilillah, il a dit pas même le jihad fi sabilillah. Donc ici il mentionne ça pour montrer que ça fait partie de qu'est-ce qui est meilleur que le jihad fi sabilillah. Et ça c'est une des plus grandes portes de la science. Parce que par cette porte, par cette science, tu arrives à préserver la sunna et tu arrives à préserver la religion de toute forme d'innovation, de toute forme d'égarement et de toutes sortes de pensées et de déviations, des idées et des pensées qui sont déviées. Et les salafs étaient les personnes qui avaient le plus de désir et de motivation pour réfuter toute pensée ou toute personne qui était déviée ou qui était en contradiction avec la vérité. Et pour dévoiler et démasquer sa déviation et son égarement, si c'est une personne qui est déviée ou qui est égarée. Peu importe le statut ou la position que cette personne déviée pouvait avoir auprès des gens, et il faisait ça pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Affan, il mentionne ensuite une autre parole. Il dit Qala Affan, kuntu inda ibn Aliya. فقال رجل فلان ليس ممن يؤخذ عنه قال فقال له الآخر قد اغتبت الرجل قال رجل ليست هذه بغيبة إنما هذا حكم قال فقال ابن علي صدقك الرجل يعني الذي قال هذا حكم يعني ici c'est rapporté par Al-Uqayli dans Al-Du'afa et Ibn Hibban dans Al-Majruhin. Selon Affan, il dit que j'étais auprès de Ibn Aliya et un homme a dit un tel, on ne prend pas de lui. Alors, l'autre a répondu, tu as fait de la médisance contre cet homme. Tu as parlé dans son dos en disant qu'on ne prend pas la science de lui, on ne doit pas prendre la science de lui. Alors, l'autre homme a répondu, ça ne fait pas partie de Al-Riva. C'est uniquement un verdict ou un jugement que la personne a fait. Et Ibn Aliyah a répondu, il a dit, cette personne qui t'a dit que c'est un jugement, c'est lui qui a été véridique avec toi et qui a été sincère. En voulant dire que lorsque tu mets en garde contre quelqu'un par rapport à sa religion, quand par rapport au fait qu'il est peut-être sur une bid'a ou il l'appelle à des égarements ou des choses comme ça, lorsque tu mets en garde contre cette personne, ça, ce n'est pas considéré comme étant une forme de riba. Après, le cheikh dit, « وقال ابن أبي زمنين لم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. Ça c'est dans Usul al-Sunnah de Ibn Abi Zamanain. Il dit que les gens de la Sunna ont toujours critiqué et blâmé les gens de la passion et de l'égarement, et ils interdisent de s'asseoir avec eux et ils interdisent de les fréquenter. Et ils font peur aux gens par rapport à leur fitna. Ils rapportent ou ils mentionnent le danger qu'il y a dans la fitna de ces gens-là. Et ils informent les gens de ce qu'ils ont, comme égarement et des choses de ce genre. Et ils ne considèrent pas ça comme étant une forme de médisance. Et ils ne considèrent pas ça comme étant une forme de médisance ou d'attaque contre eux. Et le cheikh dit ensuite, وقال الخطيب ليس إبانة العلماء لأحوال الرواة غيبة بل هي نصيحة ولهم في إظهارها أعظم المثوبة لكونها مما يجب عليهم كشفه ولا يسعهم إخفاؤه وستره. Donc Al-Khatib Al-Baghdadi, il dit dans son livre Sharaf Ashab al-Hadith, il dit, le fait que les ulama clarifient l'état et la situation des narrateurs, ça ce n'est pas de la médisance. Bien au contraire, c'est une nasiha, c'est un bon conseil de la part de ces ulama. Et du fait qu'ils montrent l'égarement de ces gens-là et qu'ils clarifient leur état, ça, ils ont pour ça la meilleure récompense, la plus grande récompense, parce que ils font ce qui est obligatoire de faire pour eux, c'est-à-dire de dévoiler la réalité de ces gens-là, et ils n'ont pas d'autre choix que de le montrer, et ils ne doivent pas le cacher ni le camoufler. Donc si quelqu'un sait quelque chose par rapport à une personne qui est dans l'égarement et qui est sur la bid'a, eh bien il doit mettre en garde les gens. Et on voit ça dans la parole de l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Il dit, Ibn Rajab, الكلام في الجرح والتعديل جائز وقد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن وما لا يجوز قبوله وقد ظن بعض من لا علم عنده أن ذلك من باب الغيبة وليس كذلك فإن ذكر عيب الرجل إذا كان فيه مصلحة ولو كانت خاصة كالقدح في شهادة شاهد الزور جائز بغير نزاع فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لا. Donc le cheikh, il explique ici, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Rajab. Il dit que le fait de parler dans le jarh et dans le ta'dil, c'est permis. C'est-à-dire de critiquer ou de faire l'éloge, ça c'est permis. Et les salafs et les imams de l'islam ont tous été d'accord là-dessus. Puisque en faisant ça, il y a une distinction de ce qui est obligatoire d'accepter et de ce qui n'est pas permis d'accepter. Et certains pourraient penser que, hein, certains parmi ceux qui n'ont pas de science, pourraient penser que cela fait partie de al-riba, que cela fait partie de faire de la médisance ou de parler dans le dos. Et ce n'est pas le cas, parce que le fait de mentionner le défaut ou la faute d'un homme alors qu'il y a un bienfait là-dedans, même si c'est un bienfait qui est même si c'est quelque chose qui est particulier, comme un cas particulier, comme par exemple de critiquer le témoignage d'un témoin qui a menti, par exemple, ça c'est quelque chose qui est particulier, qui n'est pas général. Le bienfait de ça est particulier puisque c'est le témoignage d'un témoin qui va témoigner alors qu'il a menti. Tu vas mentionner au juge que ce témoin-là a menti. Donc ça, c'est quelque chose qui est permis, hein, sans aucun doute, et sans il n'y a pas de divergence à ce sujet-là. Donc, si c'est un bienfait qui est général pour tous les musulmans, alors c'est encore plus important de le faire, et encore mieux, encore meilleur, hein, parce que là, c'est quelque chose qui va amener un bien à la Oumma en entier et à tous les musulmans, comme par exemple de mettre en garde contre des individus qui prêchent l'islam mais qui appellent à des innovations ou à des égarements. Wa qala Ibn Rajab, ahlul bid'i wa dhalal wa man tashabbaha bil ulama wa laysa minhum yajuz bayan jahlihim wa izhar 'uyubihim tahdhiran min al iqtida' bihim. Donc l'imam Ibn Rajab il dit également dans son livre, la parole précédente c'était dans Sharh al-Ilal, et maintenant ça cette parole c'est dans Al-Farq bayna an-nasiha wa at-ta'yir, et on a fait l'explication de ce livre là avec les paroles de Cheikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah. Donc c'est les paroles de l'imam Ibn Rajab. Il dit les gens de bid'a et d'égarement et ceux qui essaient de ressembler aux ulama alors qu'ils ne sont pas des ulama, il est permis de clarifier leur ignorance et de montrer leurs fautes et leurs défauts pour mettre en garde contre le fait de les prendre comme modèles. وسئل الشيخ صالح الفوزان هل بيان بعض اخطاء الكتب الحزبيه او الجماعات الوافده الى بلادنا يعتبر من التعرض للدعاء؟ فاجاب لا، هذا ليس من التعرض للدعاء، لأن هذه الكتب ليست كتب دعوة، وهؤلاء أصحاب هذه الكتب والأفكار ليسوا من الدعاة إلى الله على بصيرة وعلم وعلى حق. فنحن حين نبين أخطاء هذه الكتب أو هؤلاء الدعاة ليس من باب التجريح للأشخاص لذاتهم، وإنما من باب النصيحة للأمة أن تتسرب إليها أفكار مشبوهة ثم تكون الفتنة وتتفرق الكلمة وتتشتت الجماعة، وليس غرضنا الأشخاص، غرضنا الأفكار الموجودة بالكتب التي وفدت إلينا باسم الدعوة. Donc le cheikh il répond dans son livre, Cheikh Al-Fawzan il répond dans son livre Al-Ajwibatul Mufida. On lui a posé la question, est-ce que le fait de clarifier les erreurs de certains livres de Hizbiya et de certains groupes qui sont venus de l'extérieur, hein, est-ce que ça c'est considéré comme le fait de s'opposer aux du'at? Et le cheikh il répond en disant non, ça ne fait pas partie de s'opposer aux du'at, aux gens qui font la da'wah, parce que ces livres-là ne sont pas des livres de da'wah en réalité. Et ceux-là, c'est-à-dire les gens qui ont écrit ces livres-là et qui propagent ces livres et ces idées, ne sont pas des gens qui sont des du'at réellement. C'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui appellent à Allah avec connaissance et compréhension sur la vérité. Donc nous, lorsque on clarifie les erreurs de ces livres ou de ces du'at ou de ces prêcheurs, ce n'est pas dans le but d'attaquer leur personne en tant que telle, mais c'est uniquement dans le sens de donner le bon conseil à la Ummah pour pas que ces pensées ou ces idées mauvaises ou ambiguës se propagent parmi les musulmans, puis que par la suite ça amène à de la fitna et à de la division, et que la jama'a se divise par la suite. Donc notre intérêt, ce n'est pas les personnes en tant que telles, mais c'est plutôt leurs pensées qui sont présentes dans ces livres, qui sont envoyés, qui sont ramenés chez nous au nom de la da'wah. Donc ça, c'est la fin de cette citation. Donc ça, c'est le premier point par lequel le cheikh Ahmed Bazmoul, hafidhahullah, a répondu donc à cette shubha par rapport aux gens qui disent que si tu critiques des prêcheurs, ça veut dire que tu rentres dans la médisance ou des choses de ce genre. Le deuxième point, le cheikh il dit « Anna sukut an il mubtadi'a » وعن الجهال المتصدرين فيه تغرير بالعامة وتدليس عليهم فيظنون أنهم على حق وخير والواقع أكبر شاهد على ذلك. Donc, le cheikh dit, le fait de se taire par rapport aux gens de bid'a et aux ignorants qui se placent de l'avant dans la da'wa, il y a dans ça une sorte de tromperie. C'est comme si on laissait les musulmans dans l'ignorance, hein? Et c'est comme si on les trompait, parce que les gens vont croire que ces prêcheurs là sont sur la vérité et sont sur le bien, hein? Et donc ça, c'est en réalité, si on regarde qu'est-ce qui se passe maintenant, ça c'est le meilleur témoin de la réalité. C'est que quand on n'a pas mis en garde contre eux, ces gens-là sont devenus de plus en plus connus, de plus en plus célèbres. Les gens commencent à les aimer et ils s'imaginent que ce sont des gens qui sont sur la vérité et qui appellent au bien, alors que ce n'est pas le cas. قال الشيخ صالح الفوزان لا يجوز تعظيم المبتدعة والثناء عليهم ولو كان عندهم شيء من الحق لأن مدحهم والثناء عليهم يروج بدعتهم ويجعل المبتدعة في صفوف المقتدى بهم من رجالات هذه الأمة. Donc ça, c'est une citation qu'on a mentionnée hier. C'est le cheikh, il l'a répété ici parce que c'est important. Il dit que Cheikh Saleh Al-Fawzan, dans son livre Zahiratu at-Tabdi' wa at-Tafsir, il dit il n'est pas permis d'exalter ou de respecter les gens de bid'a, de leur faire des éloges, même s'ils ont quelque chose de la vérité avec eux. Parce que le fait de les glorifier et de leur faire des éloges, ça fait propager leur bid'a. Et ça fait que les jeunes bid'a sont placés comme étant parmi les catégories de gens qu'on prend comme modèle parmi les hommes de cette Ummah, chez les gens. Et lorsque les gens, par la suite, vont voir ces gens-là, ils vont s'imaginer que ce sont des exemples à suivre. Donc le cheikh, il mentionne ça comme exemple. Troisième réponse à cette shubha, cheikh il dit anna ar-radd 'ala al-mukhalif laysa al-maqsoud minhu tanaqqusuhu aw al-fadhiha bal al-maqsoud minhu an-nasiha hadha adh-dhahir bal al-maqsoud minhu an-nasiha hadha adh-dhahir was-sara'ir 'ilmuha 'inda Allah تبلى يوم تلتقي الخصوم. Donc le cheikh, il dit comme troisième point, le fait de réfuter les gens qui opposent la vérité, le fait de les réfuter, c'est pas dans le but de les rabaisser ou de leur faire la honte ou des choses comme ça, mais le but et l'objectif, c'est donner le bon conseil. Donner le bon conseil. Et quand on dit donner le bon conseil, c'est pour les personnes eux-mêmes, et aussi, c'est-à-dire pour ces personnes-là, et pour les gens qui les écoutent et qui les suivent aussi. Il y en a qui disent, quand tu mets en garde contre un individu qui a une erreur, les gens te disent, est-ce que tu l'as contacté? Est-ce que tu lui as parlé en personne? Est-ce que tu lui as donné la nasiha à lui en personne avant de le dire publiquement ou le faire publiquement? Et les gens, ils réalisent pas que la nasiha, c'est pas seulement pour la personne elle-même qui a fait l'erreur, mais c'est aussi pour les musulmans en général qui ont été affectés par cette personne, qui ont été affectés par cette idée que la personne a propagée. Hein? Sinon, parfois tu vas mettre en garde contre quelqu'un ou mentionner des fautes qu'il a et les réfuter. Et puis les gens deviennent émotifs et ils commencent à dire, ah mais est-ce que tu lui as donné la siha, est-ce que tu lui as parlé en privé avant, hein? Et des fois tu l'as fait, tu l'as mis en garde, ou bien tu as mis en garde contre lui, avant de le mettre en garde contre lui, tu l'as contacté, tu lui as dit en privé que qu'est-ce qu'il fait, c'est pas correct. Et puis la personne n'a pas accepté la nasiha. La personne n'a pas accepté la nasiha, la personne persiste à continuer dans sa voie d'égarement. Alors quand tu a fait la nasiha par la suite, malgré que c'est pas obligatoire de le contacter en personne, en privé, en premier, mais c'est quelque chose qui est bien de faire, puisque si la personne elle se corrige elle-même et elle répare son erreur, alors dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien. Hein? Mais malgré tout, hein, malgré ça, subhanallah, si la personne, elle ne revient pas, qu'est-ce qui arrive avec ces idées qui sont propagées et que les gens ont entendues partout? Il faut que les gens soient mis en garde contre ces erreurs. Et il faut qu'ils sachent que ces paroles-là sont incorrectes. Donc on met en garde, pas seulement pour la personne, mais pour les personnes aussi qui ont écouté et qui ont entendu ces idées et qui peuvent être trompés par ces paroles ou ces écrits qui sont contraires à ce qui est vrai. سئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي: ما حكم من أحب عالما أو داعية وقال إني أحبه حبا كثيرا لا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه وأنا آخذ بكلامه حتى وإن كان مخالفا للدليل لأن هذا الشيخ أعرف منا بالدليل فأجاب بقوله هذا تعصب ممقوت مذموم لا ولا يجوز نحن نحب العلماء ولله الحمد ونحب الدعاة إلى الله ونحب الدعاة في الله عز وجل لكن إذا أخطأ واحد منهم في مسألة فنحن نبين الحق في هذه المسألة بالدليل ولا ينقص ذلك ولا ينقص ذلك من محبة المردود عليه ولا من قدره وبيان الخطأ من النصيحة للجميع وأما كتمانه فهو مخالف للنصيحة. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il a répondu à une question. La question c'est: quel est le verdict de celui qui aime un savant ou un da'ya et qui dit moi j'aime ce savant ou j'aime ce da'ya, je l'aime beaucoup et je ne veux pas entendre personne qui le réfute, hein? Et je prends sa parole même si qu'est-ce qu'il dit est en contradiction avec la preuve, parce que ce cheikh là il a plus de connaissances que nous de la preuve. Donc le cheikh il répond à cette parole, parce qu'il y en a des gens qui ont cette attitude là maintenant. Il y en a des gens qui ont cette attitude. Ils disent non, moi je ne veux pas entendre personne qui critique ce cheikh, je ne veux pas entendre personne qui critique ce frère, ce prêcheur, hein? Et ils le défendent même quand il a tort. Donc ça c'est comme le cheikh il dit, il a répondu, il a dit هذا تعصب ممقوت مذموم. Ça c'est une forme de fanatisme qui est détestable et qui est blâmable et qui n'est pas permis. Voilà yajouz, c'est pas permis d'agir comme ça. Il dit nous on doit aimer les ulama, alhamdoulillah, et on aime les gens qui font la da'wa à Allah, mais on les aime, les gens qui font la da'wa, on les aime en Allah, mais lorsqu'ils font une erreur, lorsque l'un d'entre eux fait une erreur dans une question quelconque, alors on clarifie la vérité dans cette question-là avec la preuve. Et ça, ça ne diminue rien de notre amour pour la personne réfutée, ni de sa valeur. Et le fait de clarifier l'erreur, ça fait partie de la nasiha pour tout le monde. Mais de cacher la vérité, ça c'est en contradiction avec la nasiha. Le cheikh il mentionne ensuite comme point pour répondre à cette shubha, le point numéro 4. الرابع أن دعوى اختصاص علم الجرح والتعديل بباب الرواية دعوى غير صحيحة لأن السلف إنما تكلموا في من تكلم فيه حماية للدين من البدع والضلالات سواء كان في باب الرواية أو في باب الدراية. Donc le cheikh il répond à la shubha par rapport à ceux qui disent que le jarh ou ta'dil c'est uniquement pour la narration des hadiths. Donc le cheikh dit ceux qui prétendent que la science du jarh ou ta'dil c'est quelque chose qui est particulier à la transmission des hadiths, c'est une prétention qui est totalement incorrecte, parce que les salafs ont uniquement parlé de ceux au sujet desquels ils ont parlé pour protéger la religion contre les innovations et les égarements. Peu importe que ce soit dans les questions qui ont rapport avec la transmission des hadiths ou dans les questions qui ont rapport avec la compréhension de la religion et des hadiths en général. Donc il y a la transmission et il y a la compréhension des textes par la suite. Et dans les deux, les salafs ont critiqué les personnes qui en parlaient. Ils ont critiqué les narrateurs qui sont pas aptes à transmettre les hadiths, et ils ont critiqué les gens qui parlent de religion même s'ils ne transmettent pas de hadiths. Ils les ont critiqués également parce qu'ils avaient des bid'ah ou des choses comme ça. Par exemple Jahm ibn Safwan, hein? Jahm ibn Safwan qui niait les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui niait le qadar, qui niait plein d'autres choses de l'islam, et qui appelait à toutes sortes de formes de kufr et d'égarements et d'hérésies. Les ulama ont mis en garde contre lui et ils ont averti contre ses égarements. Est-ce qu'il rapportait les hadiths? Il ne rapportait pas les hadiths. Ces gens de bid'a, ce ne sont pas des ulama de hadith. Ce sont des intellectuels, des soi-disant philosophes, des penseurs, ils se pensent intelligents. Et ils ramènent le désordre dans la religion. Donc le cheikh il explique. Il dit ولهذا نجد قد تكلموا في جماعة لا رواية لهم وإذا كانوا يردون رواية الراوي المبتدع إذا كان داعية أو روى ما يوافق بدعته فرد كلام أهل الأهواء والبدع والجهال الذين يفسرون به النصوص الشرعية من باب أولى. Donc, le cheikh il dit, c'est pour ça qu'on retrouve que les ulama ont parlé des groupes d'individus, ont parlé des individus, ou d'une série d'individus, qui n'ont jamais transmis de hadith. Ils ont aucune narration. Hein? Ils les ont pourtant quand même critiqués. Et même si on voit que les ulama ont rejeté les narrations des narrateurs innovateurs lorsqu'ils étaient des gens qui font la da'wa à leur bid'a et qu'ils transmettaient des choses qui sont en accord avec leur bid'a. Donc si c'est le cas pour les narrateurs, alors le fait de rejeter la parole des gens de passion et de bid'a et les ignorants qui interprètent les textes de la charia, alors c'est encore plus nécessaire de rejeter leurs paroles et de ne pas prendre de leur part. Les ulama de hadith, hein, il y a certains, des fois parmi les gens de bid'ah et les hizbiyin, ils disent, ouais, mais les savants de hadith, ils ont accepté parfois les narrations des gens de bid'ah. Ils disent, ah, parfois les narrateurs, ils ont accepté les narrations des gens de bid'ah, ils ont pris leur hadith. Ça, c'est des chouhats qu'ils jettent pour essayer de faire croire qu'on peut prendre les hadiths ou la religion des gens de Bid'a. On peut apprendre la religion des gens de Bid'a. En mentionnant cet exemple. Ils disent, les ulama ont accepté les hadiths des gens de Bid'a. Sauf que, cette parole-là, c'est pas vrai de cette manière comme ils le prétendent. Puisque les ulama de hadith ont mis des conditions très sévères et très strictes pour pouvoir accepter les hadiths de ces gens-là. Hein? Premièrement, il fallait voir que cette personne, c'est pas un menteur. Deuxièmement, il fallait voir que cette personne, s'il a une bid'a, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie des du'at. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'invite pas les gens à suivre cette bid'a. Il a une bid'a en lui, mais il la garde pour lui. Il l'enseigne pas aux autres, il la prêche pas aux autres. C'est juste une erreur qu'il a en lui-même. Et que les gens connaissent et savent ça, mais ils savent que cette personne, elle ne le prêche pas, elle ne l'enseigne pas aux autres. Et non seulement ça, il faut que le hadith qu'il prenne de lui n'ait aucun rapport avec la bid'a qu'il a dans son cœur par rapport à la question. Donc le hadith qu'ils vont prendre du mubtadi', c'est le hadith du mubtadi', premièrement, qui ne fait pas de da'wa à sa bid'a, et c'est un hadith qui n'est pas au sujet de la bid'a à laquelle qui n'est pas au sujet ou qui n'est pas en accord avec la bid'a qu'il a en lui-même. Donc sinon il rejette la parole de ce mubtadi', il rejette son hadith. Si c'est un prêcheur et si ce qu'il rapporte est en accord avec sa bid'a, il le rejette, il l'accepte pas. Donc que dire ensuite donc de la parole des gens qui font partie des gens de bid'a et des ignorants qui ne transmettent pas de hadith mais qui interprètent les textes de la religion de manière incorrecte pour que les gens comprennent la religion selon leur bid'a. Donc ça c'est encore plus grave et plus dangereux et il faut mettre en garde contre ces individus-là. C'est pour ça que les gens qui disent non, le jahm al-ta'dil c'est seulement pour les narrateurs de hadith, ça c'est faux. C'est faux. La réalité c'est que les salafs ils ont mis en garde contre, non seulement contre les narrateurs, mais également les narrateurs qui étaient sur la bid'a et qui a invité à leur bid'a. Mais ils ont également mis en garde contre les gens qui parlent de la religion et qui expliquent les textes du Coran et de la Sunna, mais avec les bid'a et avec l'égarement et avec l'ignorance. Et le cheikh il dit Ibn al-Qayyim al-Jawziya, جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حماية حمية أو ذبا عن الله ورسوله ومن هذا طعن أهل الحديث في من طعنوا فيه من الرواة ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لا لحظوظهم وأغراضهم أي نعم لا لحظوظهم وأغراضهم وجواز الرد على الطاعن إذا غلب ظن الراد أنه وهم وغلط كما قال معاذ للذي طعن في كعب بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على واحد منهما. Donc le cheikh il explique ici les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad. Il dit que il est permis à quelqu'un de critiquer dans le but de protéger et de défendre Allah et son messager lorsque quelqu'un fait une erreur. Donc tu le critiques selon ton ijtihad, tu le critiques dans le but de protéger et de défendre la religion d'Allah et de son messager. Et ça c'est comme l'exemple de la critique et de l'attaque des gens du hadith au sujet des personnes qu'ils ont critiquées comme narrateurs Hein? Et également, c'est également comparable. Ça rentre, on peut calculer là-dedans également les critiques des héritiers des prophètes lors, parmi les ulama d'Ahl Sunnah qui critiquent les gens de passion et de bid'ah. Pas pour quelque chose ou un intérêt qu'ils ont, mais ils le font pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils critiquent ces gens de bid'ah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit ici que l'imam Ibn al-Qayyim, il a fait la distinction entre les ulama de hadith, les gens de Ahlul Hadith, qui critiquent les narrateurs, qui sont sur la bid'ah ou qui sont dans l'erreur, et également les héritiers des prophètes, parmi les ulama de Ahlul Sunnah, qui critiquent les gens de la passion et de bid'ah pour Allah. Ils font pas ça pour quelque chose de la dunya ou bien pour un intérêt, ils font ça pour Allah seulement. Donc le cheikh il dit que c'est permis à celui qui réfute de faire ça. Hein? C'est permis à celui qui réfute de faire ça. Et si par exemple quelqu'un a réfuté une personne, par exemple si quelqu'un a attaqué une personne, mais que on voit que la personne qui a réfuté elle s'est trompée ou elle a fait une erreur, alors il est permis pour cette personne-là de répondre, hein, de répondre et de corriger yani cette critique ou cette réfutation. Comme c'est arrivé lorsque Mu'az a répondu au sujet de la personne qui avait critiqué Ka'b. Donc Mu'az a dit à la personne qui a critiqué Ka'b, il lui a dit, comme ta parole est mauvaise, et par Allah, au messager d'Allah, comme ça on vous l'a dit, je jure par Allah, au messager d'Allah, qu'on n'a rien connu de mal de lui, c'est-à-dire on n'a rien connu à son sujet de mal. Hein? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas condamné ou critiqué ou rejeté la parole ni de l'un ni de l'autre. C'est-à-dire, il n'a pas rejeté la parole de Mu'az, qui défendait Ka'b, et il n'a pas rejeté la parole de celui qui le critiquait. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans le Sahih, selon le hadith de Ka'b ibn Malik. C'est le hadith de Ka'b ibn Malik. Donc, c'est pour montrer que le fait de critiquer les personnes qui parlent de la religion, c'est quelque chose qui est permis, même si ce ne sont pas des narrateurs, même si ce ne sont pas des gens qui rapportent le hadith. Il dit « وَجَوَازْ أَرَّدْ عَلَى الطَّعْنِ » Non, il dit « وَقَالَ ابْنُ رَجَبْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّعْنِ فِي رُوَاتْ حُفَاظِ الْحَدِيثِ وَلَا التَّمْيِيزْ بَيْنَ مَنْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ مِنْهُمْ ومن لا تقبل وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه وقد أجمع العلماء على جواز ذلك. Donc Ibn Rajab il dit qu'il n'y a pas de différence entre le fait de critiquer les narrateurs de hadith, hein, les mémorisateurs de hadith, et entre le fait de critiquer celui qui a fait une erreur dans la compréhension des significations du Coran et de la Sunna, qui l'a interprété d'une manière contraire à son interprétation et qui s'est accroché à qu'est-ce qu'on ne doit pas prendre dans le but de mettre en garde, de ne pas prendre cette personne-là comme un exemple ou comme un modèle dans la chose dans laquelle il s'est trompé. Donc, le cheikh dit, il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de différence entre le fait de critiquer les narrateurs de hadith, les mémorisateurs de hadith, et de distinguer entre ceux d'entre eux qu'on accepte leur narration et ceux d'entre eux dont on n'accepte pas la narration, et l'exemple de ceux qui parlent dans les significations du Coran et de la Sunna et qui se trompent dans quelque chose qu'ils ont mal interprété ou des choses comme ça. Donc, les deux, ça fait partie de qu'est-ce qui est permis dans l'islam et qu'est-ce qui est accepté dans l'islam. Et il dit ensuite, l'imam Ibn Rajab, il dit, وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. Il dit, et les savants sont tous d'accord sur la permission de cette chose. C'est-à-dire, tous les savants sont d'accord que ça, c'est permis de le faire. D'accord, donc ça vient clarifier un point par rapport à cette question que beaucoup de gens parfois mélangent. Et ils vont parfois citer la parole d'un savant pour essayer de supporter leur position là-dessus. Ils vont dire, ah, mais un tel ou un tel cheikh, il a dit que le jarh wa ta'dil, c'était à propos de, seulement à propos de les narrations de hadith seulement. Et ils prennent la parole de ce savant-là pour essayer de prouver leur point. Alors que bien des ulama de l'islam ont mentionné que, au contraire, il n'y a pas de distinction entre le jarh ou le ta'dil des narrateurs de hadith et le jarh des gens qui prêchent l'islam ou qui parlent de l'islam ou qui enseignent l'islam ou qui expliquent le Coran et la Sunna, ainsi de suite. Donc, et il y a plein de preuves de ça. Hein? Et même il y a l'ijma à ce sujet-là, comme l'imam Ibn Rajab l'a mentionné. Donc quelqu'un ne peut pas opposer la vérité avec la parole d'un savant lorsque la parole de ce savant-là, elle contredit qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est prouvé. Hein? Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc, on arrive à ce point-là. Je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Il reste encore d'autres choubouhats à clarifier. Je pense qu'il reste environ... en tout cas, il reste un bon bout. Ça veut dire environ deux cours encore pour que le livre soit terminé. Donc, Inch'Allah, puisque je ne pourrais pas terminer le livre aujourd'hui, donc, Inch'Allah, bien... je vais partir Inch'Allah cette semaine, je m'en vais en France, donc à mon retour au Canada Inch'Allah par la suite on complétera ce livre là ensemble Inch'Allah, donc ça veut dire le mois prochain Inch'Allah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui et puis c'est un rendez-vous pour le mois de septembre Inch'Allah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.